الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi sur le chapitre de An-Nikah, Kitab An-Nikah. C'est les règles du mariage. Et on est donc arrivé maintenant dans la partie du livre, ou le chapitre, ou le sous-chapitre, si on veut, qui s'intitule Babu fil kafa'ati fil nikah. Babun fil kafa'ati fil nikah. Al-kafa'a, c'est, si on veut, comment on peut traduire al-kafa'a? Ok, donc pour traduire le terme kafa'a, on pourrait dire que c'est de trouver la personne qui nous correspond, dans le sens que il y a entre les deux époux une certaine égalité dans le rang social, dans le niveau économique, des choses comme ça. Niveau d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut que les époux soient à peu près proches, hein, l'un de l'autre, ou bien à une certaine égalité. C'est pas obligatoire dans tous les cas, mais il y a des catégories de kafa'a, et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Et une fois qu'on aura expliqué les catégories, après ça va être plus facile à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire à ce sujet-là. D'accord? Ça fait partie des réalités que parfois les gens n'aiment pas entendre. Pourquoi? Parce que les gens maintenant sont habitués avec toutes sortes de romans d'amour, hein, et d'histoires de Roméo et Juliette. Donc maintenant c'est ça, les gens disent non, c'est l'amour qui compte, c'est pas l'argent, c'est pas les choses comme ça. Ça, c'est des belles paroles, mais la réalité dans la vie, c'est pas vrai. Même si les gens disent que aujourd'hui, non, les gens, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de différence entre les gens, tout le monde peut marier tout le monde est égal, hein, dans la société. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de statut. Ça, c'est pas vrai. Hein? Et la preuve de ça, c'est que même chez les koufars, qui eux sont, ils baignent dans ces histoires d'amour, des romans d'amour là, comme ça là. Et bien chez eux c'est la même chose. Tu vois par exemple les gens qui habitent dans les quartiers riches, hein, et que quelqu'un qui est un voyou ou bien qui vient des quartiers pauvres, il vient pour demander la main d'une fille d'un quartier riche qui habite dans ces quartiers là, hein, ça je parle des koufars, yani, hein. S'il vient pour demander la main de la fille, bon, peut-être que si la fille fréquente ce garçon, mais que c'est pas sérieux, ils vont dire c'est pas grave, hein. Mais si ça devient sérieux qu'elle veut se marier avec cette personne, les parents vont tout faire pour dire non, tu peux pas marier cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu là-dedans. Il y a l'héritage qui rentre en jeu là-dedans. Il y a toutes sortes de choses, hein. C'est des gens qui ont des maisons qui coûtent peut-être 5 millions, hein, 10 millions. Ils vont pas laisser rentrer dans leur famille n'importe qui, hein. Donc, il faut pas penser que ces choses-là n'existent plus. C'est pas vrai, hein. Ça existe encore. Et il y a encore des différences entre les gens par rapport à le statut, la classe sociale, même des castes, hein, dans certains pays là. Si ta famille sont dans une certaine branche où ils sont des, par exemple, ils font certains métiers, puis que toi tu vas aller dans une autre branche, tu veux marier une fille d'une autre caste, hein, même si des fois c'est des choses ancestrales, ça n'existe même plus aujourd'hui, mais les gens ils tiennent encore compte de ces affaires là, hein, et ils continuent à appliquer ces règles-là. Donc, ça veut dire que ça existe encore. Maintenant, est-ce que c'est justifié ou non? C'est ça qu'on veut savoir, hein, par rapport au principe de la religion de l'islam. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il parle maintenant de ce principe-là qu'on appelle Al-Kafa'atu Fin-Nikah. Hein? Et il dit Al-Kafa'atu Lughatan Al-Musawa Wal-Mumathala. Al-Musawa, ça veut dire l'égalité, et Al-Mumathala, c'est-à-dire le fait que deux choses soient pareilles. D'accord? Donc, c'est ça à la base, Al-Kafa'a. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Walam yakul lahu kufu'an ahad. Il n'y a rien qui lui est égal. Hein? Il n'y a personne qui est égal avec Allah. Allah n'a pas de kufu. Hein? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'équivalent ou d'égal, ou de pareil ou de semblable. Hein? Laysa kamithlihi shay'un. Et le Cheikh il dit ensuite Wal-muradu biha huna al-musawatu bayna az-zawjayn. C'est-à-dire l'égalité entre les deux époux dans cinq choses. Dans cinq choses. Donc il y a cinq catégories de kafa'a. Ahaduha ad-din. Fala yakun al-fajir wal-fasiq kuf'un kuf'u al-afifa al-adl. Li'annahu mardoudu al-shahadati wal-riwaya wa dhalika. Donc le Cheikh il dit si par exemple un homme et une femme veulent se marier, ils doivent être équivalents ou égaux dans leur religion. Donc le Cheikh il mentionne le fait que si par exemple un pervers ou un pécheur, hein, quelqu'un qui fait le zina, qui est connu pour le zina, dans le sens que c'est quelqu'un qui traîne toujours avec des filles différentes en dehors du mariage, et il fréquente des femmes en dehors du mariage, et qui est connu comme ça, eh bien, cette personne-là, elle peut pas, il ne peut pas épouser une fille chaste, hein, par exemple. On ne va pas lui donner en mariage une fille qui est chaste. Et ça peut être, dans le sens plus général encore, quelqu'un, par exemple, qui est chrétien ou juif ou mécréant, ben, bouddhiste ou hindou ou une autre religion, qui voudrait épouser une musulmane. Ça, c'est pas possible, c'est pas permis. Ni un juif, ni un chrétien, ni un athée, ni un hindou, ni un bouddhiste, ni n'importe quelle autre religion n'a le droit d'épouser une femme musulmane. Et c'est parce que la religion n'est pas égale. Même que, également, un musulman une femme musulmane qui est sur la sunna, hein, qui est salafia, ses parents ne vont pas la marier à un mubtadi, hein, un shi'i, rafidi, ou quelqu'un qui est dans une secte d'égarement. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être, hein, sur sa voie, elle risque de devenir elle aussi égarée à cause de ça. Donc tu ne peux pas marier ta fille avec par exemple, un khariji, takfiri. Hein. Tu vas donner ta fille à un takfiri, elle va le faire devenir takfiri, elle aussi. Ou bien, si toi tu es un salafi, puis la fille elle est une takfiri, une kharijiya. Tu dis, ah, je vais la faire changer. Puis à la fin, c'est elle qui te fait devenir takfiri. Ça, c'est arrivé, hein. Des fois, les gens ils disent, ah, les takfiri, c'est dangereux. Ils oublient les femmes. C'est comme si les femmes, oh non, les femmes, les pauvres, c'est des miskines, c'est des victimes. Non, des fois, ces femmes-là sont beaucoup plus dangereuses que certains hommes takfiri. Hein? Et c'est arrivé même à l'époque, hein? dans les premiers siècles, certains parmi les gens, ils ont été égarés à cause d'une femme. Hein? Il y a un exemple que les ulama ils mentionnent par rapport à ça. Un homme qui a dit « je vais épouser cette femme et je vais la faire revenir à la sunna ». Finalement, c'est elle qui l'a fait devenir khariji. Allah musta'an. Donc c'est ça. Il faut que la religion soit équivalente et égale. Et la personne qui est pervers ou qui est pécheur, hein, et qui est connue pour ça, eh bien, son témoignage n'est pas accepté. Et ça, ce qu'il transmet de la religion n'est pas accepté non plus. Et parce que c'est une déficience dans son humanité, le fait d'être un pervers, le fait d'être un pécheur. Hein. La deuxième exemple, ou deuxième catégorie de kafa'a, c'est al-mansib, fil-mansib. Donc il dit, وهو النسب hein? C'est-à-dire المنصب on parle de la de l'origine ou de la descendance de la personne, de quelle famille ou de quelle origine la personne est. Et dans cet exemple-là, les ulama, ils ont dit par exemple, la femme arabe, hein, elle n'est pas de même origine ou de même noblesse que quelqu'un qui serait non arabe par exemple. Donc, ils diraient, ces gens-là diraient, bon, si la personne n'est pas arabe, elle n'est pas équivalente à celui qui est arabe dans la noblesse, donc elle ne peut pas épouser une personne d'origine arabe. D'accord? Ça, c'est un exemple. Et dans d'autres pays, il y a la même chose. Dans certains pays, par exemple, si quelqu'un il est de telle famille, eh bien, les autres, ils disent, eux, ils vont dire non. Les gens de cette famille-là, eux, ne sont pas nobles. Ils ne peuvent pas nous marier, nous. On ne peut pas marier nos filles parce qu'ils ne sont pas nobles. Hein? Quelqu'un qui est de noblesse équivalente ou plus, ils peuvent épouser nos femmes, mais ceux des tribus qui sont moins nobles que nous, ils ne peuvent pas. Hein? Donc ça, c'est des exemples qui existent comme ça chez les musulmans. Donc ça, c'est une catégorie parmi les catégories de kafa'a. Ensuite, il dit... Comme troisième exemple, al-hurriya, c'est-à-dire d'être libre. Fala yakunu al-abd, wala al-muba'ad kuf'un lil-hurra, li'annahu manqusun bil-riq. Donc, si quelqu'un, par exemple, il est libre, ou une femme est libre, eh bien, par exemple, elle ne peut pas être épousée par un esclave. Ou bien quelqu'un qui est esclave, yani une femme qui est esclave, hein, tu peux épouser une esclave, mais c'est pas le même degré, c'est pas l'égal, y a pas d'égalité dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est déconseillé. C'est préférable d'épouser une femme libre. As-sina'a, c'est-à-dire le métier. فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك يعني كفء كفء بنت من من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر. Donc le métier de la personne, ça rentre en ligne de compte ici. Par exemple, si quelqu'un il fait un métier qui est bas, hein, qui est peu valorisant, hein. Comme par exemple quelqu'un qui son travail c'est de faire hijama, c'est quelque chose qui est vu comme étant quelque chose de bas parce qu'ils travaillent dans les impuretés, le sang, les choses comme ça, hein? Ou bien des métiers comme ça, yani. En Inde, ils ont des castes qui font que les travaux bas. Si ta famille, là, tes parents sont nés dans telle caste, eh bien, tous tes enfants vont faire ce travail-là aussi, et t'as pas le droit d'aspirer à quelque chose de plus, parce que toi, t'es dans cette caste, hein? Et donc, il y a des castes en Inde, par exemple, leur travail, c'est de nettoyer les égouts. Hein? Puis, tout de père en fils, ils font ça. Hein? Et eux, pourquoi ils ont ce système de caste aussi rigide? C'est parce qu'ils croient en qu'est-ce qu'ils appellent la réincarnation. Donc, eux, ils disent, par exemple, par rapport à leur divinité, ils croient que, par exemple, bon, certains, ils vont être réincarnés selon leur degré. Il y en a qui sont réincarnés. Si tu es à la tête de la société, hein, si tu as été bon, tu vas être réincarné en haut. Si tu as été un peu moins bon, tu vas être réincarné dans, hein, le cou, les épaules. Hein, donc tu vas faire les travaux, hein, comme les soldats, les trucs comme ça. La caste qui est en dessous, yani, c'est un autre degré aussi, un peu plus bas. Puis il y en a qui sont au pied. Puis ceux-là, ils font les travaux les plus vils, les plus mauvais, les plus dégradants, hein, les plus humiliants. Donc, si toi t'es en bas, ils vont te dire, ah, ça c'est parce que dans une autre vie précédente, t'étais pas bon. Donc, t'es puni dans cette vie par, à cause de tes péchés dans les vies précédentes, donc maintenant t'es en bas. Et si t'es en haut, c'est parce que dans tes autres vies précédentes, t'as été bon. Hein, donc tu t'es réincarné dans une caste plus élevée. Donc si quelqu'un est dans sa vie, il est bas, ils lui disent, non, tu dois pas essayer de changer ou de monter, non. Parce que ça, c'est le résultat de ce que tu as fait dans ta vie précédente. Donc, tu dois accepter ça, ce sort, et être bon pour essayer d'espérer, dans une autre vie après, de réincarner dans un autre niveau plus élevé. De plus en plus haut, jusqu'à ce qu'une fois que tu es arrivé au plus haut, dans la caste des Brahmanes, là, plus tard, tu vas atteindre l'illumination, puis tu vas atteindre le nirvana, puis tu deviens un avec l'esprit universel. Hein? Donc, oui, ben c'est, les soufis, ils ont pris cette croyance de chez les hindous, justement. Hein? Al-fana, wa al-hulul, wa yani, toutes ces croyances-là, ça vient de ces gens-là. Et le problème dans cette croyance de la réincarnation, c'est que tu peux pas, tu te souviens pas de ta vie précédente. À chaque vie, tu recommences à zéro. Donc, ça veut dire, si tu te souvenais de ce que tu avais fait dans tes vies précédentes, tu pourrais être responsable. Tu dis, ah oui, je me rappelle, j'avais fait ça, maintenant, là. Mais là, il n'y a aucun souvenir. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vie précédente. La réalité, c'est que chaque âme qui vit, elle vit sa vie pour la première fois. Et quand elle meurt, elle n'est pas réincarnée dans un autre corps pour recommencer une autre vie. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait même pas suffisamment d'âmes pour le nombre de corps. Surtout qu'on sait que la population de l'humanité augmente à chaque siècle. On est rendu à 7 milliards. Hein? Donc, d'où sont venues toutes ces âmes? Hein? Si tu recules peut-être 2-3 000 ans en arrière, il y avait peut-être même pas le tiers de la quantité de la population humaine. Hein? Même, il y aurait toujours le même nombre d'âmes, et puis les âmes supplémentaires, elles viendraient d'où? Et la première âme, elle vient d'où? La première, et la deuxième, et la troisième, la même chose. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent que la réincarnation, ça ne fait pas de sens. Hein? Et en même temps, c'est une situation pour inciter les gens à ne pas essayer de s'élever eux-mêmes dans la société pour essayer d'avoir une vie meilleure, mais de les faire être satisfaits de leur état pour essayer justement de les contrôler. Hein? Et ces koufars là, ils ont installé ce système pour rendre les gens serviles ou pour les rendre esclaves et pour qu'ils acceptent leur sort dans cette façon-là pour que ceux qui profitent de ça soient satisfaits de ça. Hein, soit plus apte à les contrôler. Donc, le métier, c'est pas quelque chose qui est, comme on dit, hérité nécessairement. C'est-à-dire, ton père, il a pu être un forgeron, ça veut pas dire que toi, tu es obligé d'être un forgeron. Par contre, si ton père était forgeron et qu'il était un très bon forgeron et que tu as appris d'être un forgeron de ton père qui t'a initié puis qui t'a appris tous les secrets du métier, tu vas toi-même, Inch'Allah, devenir un excellent forgeron. Donc tu risques c'est comme ça que les métiers se transmettaient dans le passé. C'est pour ça que les gens étaient des maîtres dans leur domaine, alors qu'aujourd'hui on va tous à la même école puis on a un diplôme puis c'est fini. Hein? Donc quelqu'un peut être ce qu'il veut en fait. Mais pour dire que quelqu'un peut pas épouser une personne parce qu'il est de telle. Dans la réalité, ça c'est des différences de catégorie de kafa, mais c'est des réalités de la vie. C'est-à-dire que ça veut pas dire que un musulman, s'il est un bon musulman, il est pieux, il est franc, il est honnête, il est sincère, il a les bonnes qualités. Il va pour demander une femme en mariage, mais qui est pas de la même de sa famille, ils font pas le même métier que lui ou d'un métier plus bas, qu'on va le refuser pour ça. Hein? Ça veut pas dire que c'est valable ou que c'est acceptable, mais ça fait partie des réalités. de la vie. Hein? Il faut comprendre ça. Après, le cheikh, il dit Al-Khamis Al-Yasar Bil-Mal Bi-Hasabima Yajib Laha Min Al-Mahr Wa Nafaqa Fala Yakun Al-Mu'sir Kuf'un Kuf'ul Al-Mu'sara لأن عليها ضررا في إعصاره لإخلاله بنفقتها. Donc si un homme par exemple il est pauvre et la femme elle vient d'une famille aisée qui ont beaucoup d'argent, donc il aura de la difficulté à lui fournir le mahar qu'elle exige ou que la famille exige et de lui donner la nafaqa, hein, de lui donner l'allocation qu'elle mérite en tant que femme de famille aisée, hein. Elle a grandi dans une grande maison, elle a grandi avec une servante, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait comme vêtements, comme nourriture. Hein? Et toi, tu travailles au salaire minimum, hein? Et puis tu dis, moi je vais épouser cette femme, elle est une bonne musulmane. Et la fille, elle dit, moi je l'aime et ça ne me dérange pas qu'il soit pauvre, je vais être patiente, je vais accepter ça. Et je vais vivre avec lui selon les moyens qu'il possède. Donc, si c'est le cas et si c'est possible dans ce cas-là, hein, si les deux sont des bons musulmans, alhamdoulillah. Par contre, si il se marie avec elle, et là, après quelques mois de mariage ou une année de mariage, les réalités de la vie commencent à revenir sur la surface. C'est-à-dire que, oui, le beau rêve du début, il commence à se transformer en tempête les nuages gris commencent à approcher. Donc, c'est comme si la période de lune de miel, elle commence à s'estomper, tu vois, et là, les disputes commencent à se multiplier de plus en plus. Pourquoi? Parce que maintenant les réalités de la vie sont revenues et c'est comme une gifle au visage, hein, dans des situations comme ça. Les gens, c'est comme une douche froide, comme on dit. Hein? Ouais. Non, mais j'ai pas fini d'expliquer donc. Je vais revenir à ça. Donc, pour dire que ces situations-là sont des réalités que la femme, elle commence à dire, oui, mais moi là, je voudrais ça. Hein. Et là, le mari, il dit, oui, mais moi, j'ai pas les moyens. Alors là, les conflits commencent. Hein. Il dit, ouais, mais moi, je vais aller demander à mon père, il va nous aider. Hein. Et le mari dit, non, non, non, tu demandes rien à ton père. Non, tu vois, c'est l'honneur, la fierté. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça. Les réalités, parfois, il ne faut pas ignorer ces choses-là. Des fois, peut-être au début, les jeunes, ils sont idéalistes, ils sont rêveurs, ils sont amoureux, comme on dit. Hein? Ils pensent qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Et puis, les choses, parfois, après un an, deux ans, trois ans, les choses changent. Donc, il faut être vraiment réaliste, parfois. Ça ne veut pas dire que, parfois, que ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner. Mais, qu'est-ce que je dis? C'est qu'il faut tenir compte des réalités. Quand tu mentionnes Khadija, radiallahu anha, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est d'une famille noble. Même si Khadija est plus riche, peut-être elle avait plus d'argent, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quand même de la noblesse. Donc malgré sa pauvreté, sa noblesse a un grand poids. Et par la suite, il est devenu le messager d'Allah. Donc Khadija radiallahu anha, elle a été un support pour lui. Elle l'a beaucoup aidé dans beaucoup de situations. Donc tout ça, c'est pour dire que il faut pas tenir compte d'un seul facteur. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs aussi. parce que plusieurs des choses peuvent compenser. Je pour vous donner un exemple, ok? Et ça, c'est peut-être un exemple qui est plus applicable ou plus par rapport à notre situation actuelle, à notre époque. Comme par exemple, ici, par exemple, tu peux être t'es au Canada, ok? Supposons que tu es né au Canada ou bien tu as la nationalité canadienne. Mais au Canada, tu es pauvre. Tu es un pauvre. Tu es un Canadien pauvre. Tu vas aller dans un pays arabe, hein? À cause de cette nationalité que tu as, peut-être que des gens qui sont d'une famille plus noble ou plus riche, par exemple, certains, pas tous, il y en a beaucoup, que ça ne va rien changer pour eux parce qu'ils ne veulent rien savoir du Canada. Mais pour certains, ils veulent, par exemple, que leur fille puisse aller au Canada, par exemple. Donc, ils vont dire, bon, lui, là, c'est un Canadien, il a la nationalité. Si on le marie avec notre fille, elle va obtenir, elle aussi, la citoyenneté. Comme ça, les enfants vont pouvoir aller au Canada, ils vont pouvoir étudier là-bas gratuitement. Nanana. Bon, je ne dis pas que ça, c'est correct, mais je dis que ça fait partie des réalités. Donc, le fait que tu sois pauvre est compensé par la valeur de ta citoyenneté. Hein? C'est comme si ça balance les choses. C'est pour dire que c'est ça en fait. C'est que plusieurs de ces critères-là peuvent être ajoutés l'un avec l'autre. Et s'il en manque un, l'autre va prendre le dessus. À part la religion. La religion, ça, tu peux pas t'en passer. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'est pas un bon musulman, il fait des péchés, bah, tu ne vas pas le marier, même s'il est le plus riche au monde, ou même s'il est le plus noble, ou même si, yani, peu importe. Hein? Bah, ça a rapport avec en fait, c'est que souvent, c'est par rapport aux ancêtres. Non, mais c'est ça. Si par exemple quelqu'un vient d'une grande famille et de génération en génération, c'est des gens dans le passé qui ont été des savants, qui ont été des hommes, des dignitaires ou des responsables ou des dirigeants ou des gens très pieux, hein, et que de génération en génération leur famille elle a cette renommée là, elles sont connues comme ça. Hein, donc toi tu nais dans cette famille là, eh ben ça va te donner ce genre de prestige là, même si toi-même tu n'es pas au niveau de ces gens là. C'est comme par exemple, je donne un exemple, les rois de France. Hein, les premiers au début là, peut-être que c'était pas des nobles, c'était des guerriers. Puis le plus fort, c'est lui qui a pris le pouvoir puis est devenu roi. Hein, puis après il a eu des enfants. Puis ses enfants ont hérité du pouvoir parce que c'était lui le roi. Puis 5-6 générations plus tard, tu les vois que c'est devenu des gens, c'est comme qui ont aucun lien avec le guerrier du début. Hein? Ils sont pas des hommes forts, les guerriers qui se battaient, qui étaient le plus fort des gens, non. Parce qu'ils ont vécu dans le luxe, l'opulence, hein, l'aisance et tout. Donc ils sont devenus très raffinés, très efféminés, très faibles. Donc avec le temps, la noblesse est restée, mais disons c'est basé sur quelque chose au début qui était le courage, la force, tu vois. Donc c'est possible que par la suite quelqu'un soit né d'une famille noble, mais il n'a aucune trace de cette noblesse de comportement ou noblesse de caractère, d'accord? Donc c'est pour ça. Les monarques et les gens des familles royales, hein, ils disent, nous sommes les gardiens de la moralité, de la noblesse. Ils doivent se comporter d'une certaine manière parce qu'ils sont un exemple pour le reste de la population. Ça, c'est selon les idées des gens, mais on a vu des exemples de nobles qui étaient vraiment des pervers ou des gens mauvais. Hein? Ça c'est vrai chez les koufars comme chez les croyants. Barakallahu fik. Donc, pourquoi je dis ça? Donc tout ça c'est pour expliquer que yani, tu vas dire oui mais si la personne elle est une bonne musulmane, pourquoi tenir compte de ces affaires là hein? Et bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a regardé la religion comme principe fondamental, et c'est pour ça qu'il a marié par exemple Bilal al-Habashi. Je pense qu'il l'a marié avec la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, une des, plus, des femmes nobles de Quraysh. Hein? Hein? Donc c'est pour ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, comment des gens, hein, Oussama ibn Zayd et d'autres. Par exemple, Zayd lui-même, qui l'a épousé à Zaynab, hein, bintu Jahsh, c'est une noble. Alors que Zayd était un esclave ou un servant. Donc c'est pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu compte de la noblesse de caractère et de la foi, et non pas de la noblesse issue de, tirée de, la, de l'origine, ou de la famille, ou de la généalogie de la personne. D'accord ? Parce que ça c'est plus important. Et ensuite le cheikh il dit فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة وذلك لا يؤثر على صحة النكاح. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il dit que s'il y a une différence entre les deux époux dans une de ces cinq choses qu'on a mentionnées, donc il n'y a pas l'égalité, hein? Sauf que ça n'a pas d'effet sur la validité du mariage. Ça veut dire que le mariage va être valide quand même. D'accord ? Il dit لأن الكفاءة ليست شرطا لصحته. Parce que الكفاءة, l'égalité entre les deux époux dans leur dans le dans ces cinq choses-là, ce n'est pas une condition pour la validité, hein, du mariage, à moins que, comme le premier qu'on a mentionné, la religion, si par exemple quelqu'un est pas musulman, ça c'est une condition pour la validité. Mais on parle de à l'intérieur de l'islam. D'accord? Si un musulman, par exemple, il commet des péchés, puis qu'une fille, elle est pieuse, eh ben, par exemple, supposons, un musulman qui rase sa barbe puis qui fume la cigarette. Il s'en va puis il demande une fille musulmane en mariage. Et que son père accepte. Le mariage, il va être valable. Hein? On va pas dire que le mariage est nul à cause de ce péché-là. Sauf que, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas l'égalité dans la religion dans ce cas-là. Ouais, c'est sûr qu'il a, c'est sûr que le père il a le droit de refuser pour des choses comme ça. S'il voit que la fille elle est demandée en mariage par un homme qui fume ou qui rase sa barbe et qui fait des péchés apparents, oui, ça c'est clair qu'il a le droit de refuser. Parce que la cigarette c'est quelque chose qui est nuisible, c'est quelque chose de mauvais. Oui, c'est permis qu'un musulman épouse sa cousine paternelle ou maternelle. T'as pas le droit d'épouser. Il y a des. On va arriver à la section de par la suite de justement c'est le chapitre suivant al-muharramat fi nikah. Donc ça, on va parler dedans des choses, des personnes qu'on n'a pas le droit de marier dans la famille. Il y a des gens qu'on n'a pas le droit de marier. C'est les proches, les relatifs proches, les gens de ta famille qui sont proches, t'as pas le droit de les marier. Mais la cousine, c'est pas considéré comme quelqu'un de proche, t'as le droit de l'épouser. Tu peux épouser ta cousine, paternelle ou maternelle. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est préférable de marier quelqu'un plus éloigné. C'est mieux. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons médicales et pour des raisons aussi d'autres. Oui, ça peut être des problèmes sociaux aussi. Puis ça, sur le plan aussi de l'héritage, ça peut être plus avantageux pour la femme de pas marier nécessairement quelqu'un qui est plus proche de sa famille. Ben, c'est-à-dire que des fois, quand les gens se marient trop proches, ça peut faire en sorte que les mauvais gènes se rassemblent. Hein? Et tandis que quand on se marie plus loin, ça crée un plus grand brassage des gènes, ce qui fait en sorte que ça peut, ça favorise, disons, un meilleur mélange, meilleur brassage des gènes, comme on dit. Puis les médecins disent que ça, c'est préférable. Wallahu a'lam. C'est pas la gêne, c'est les gènes. C'est-à-dire, la gêne, toi, tu parles d'être gêné par rapport à être timide. Mais moi, je parle des gènes dans les chromosomes. Oui, c'est ça. C'est pas la gêne. Barakallahu fik. Et de toute façon, c'est pas interdit d'épouser sa cousine, qu'une cousine épouse son cousin. Ça, c'est pas interdit. Et c'est pas mal, c'est permis dans l'islam. Dans certains pays, les musulmans, ils n'épousent que des gens de leur proche famille, des cousins et cousines. Mais, yani, c'est-à-dire que, hein? Ouais, c'est ça, c'est mieux de marier quelqu'un de plus loin. Comme le frère a dit, des fois, ça crée des problèmes familiaux, des fois. Parce que quelqu'un dit, de toute façon, c'est comme si peut-être qu'il va se dire, puisque c'est quelqu'un de ma famille, c'est pas si grave que ça si je vais pas lui donner tous ses droits, ou si je vais pas la respecter, tandis que si c'est une étrangère, il ferait plus attention, et il donnerait plus ses droits, puis, tu vois, il serait plus porté à respecter plus les devoirs qu'il a envers sa femme, tandis que la cousine dit, de toute façon on est de la famille, c'est pas grave. Ouais, non, je dis pas le contraire, tu as raison dans qu'est-ce que tu dis. Donc moi je parle pas vraiment de ces aspects là les divorces, ça c'est des réalités, ça peut arriver dans tous les cas, hein. Que ce soit qu'avec ta cousine ou avec une femme d'une autre famille étrangère, il peut y avoir des divorces dans tous les cas, hein? Mais bon, en tout cas, le cheikh il dit ensuite, لا يؤثر على صحة النكاح لأن النكاح ليس لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. Donc on voit ici l'exemple que le cheikh il a mentionné, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Qais d'épouser Usama ibn Zayd. Usama, le fils de Zayd. Zayd, c'était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même que les gens avant l'islam, ils disaient que c'était le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'appelaient Zayd ibn Muhammad. Oui. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرَى. Oui, le nom de Zayd est mentionné dans le Coran. Je pense que c'est le seul parmi les Sahaba qui est mentionné dans le Coran. Hein? Donc, Zayd, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans le Coran. Même plusieurs versets, deux versets dans le Coran à son sujet. Le verset, dans Surat al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah ». Hein? Donc appelez-les par le nom de leur père, c'est plus juste pour Allah. Et ça c'était pour interdire, hein, le fait d'appeler la personne que quelqu'un a adoptée par le nom autre que le nom de son vrai père, hein? Parce que les gens appelaient Zayd fils de Muhammad, et lorsqu'il a épousé Zaynab, hein, parce que Zayd l'avait divorcé et qu'il l'a épousé par la suite, les gens ont dit, oh, il épouse la femme de son fils, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit non, c'est pas permis d'appeler l'enfant adopté ou l'enfant que tu as pris en charge par ton nom ou le nom de autre que son père. Il doit être appelé par le nom de son père. Et si vous connaissez pas leur père, alors c'est vos frères en religion, hein, et vos servants. Donc Osama c'était son fils, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, hein. Et lorsque la femme cette femme Fatima bint Qais est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, elle a dit, il y a deux hommes qui m'ont demandé un mariage, il y a Muawiyah et il y a le deuxième, c'était qui, hein? Muawiyah, et l'autre c'était On l'a mentionné la semaine passée, quand j'ai mentionné l'exemple de pas épouser quelqu'un qui a déjà été accepté par une par la famille, de pas demander. Un qui était pauvre. Donc Muawiyah, c'était lui qui était pauvre, et celui qui frappait toujours, hein, ou qui faisait toujours le voyage, c'était qui? Oui, c'est ça. En tout cas, il y avait ces deux hommes-là qui lui avaient demandé sa main. Et le prophète Fassam a dit « Inkihi Usama ». Le prophète Fassam est venu lui ajouter un troisième. Elle lui a dit « Épouse Usama ». Hein? Donc, hein? C'est bon? Donc, c'est ça. Alors, le prophète Fassam a ordonné à ce que Usama, qui était descendant d'un esclave, épouse cette femme noble, Fatima bint Qais. C'est la preuve que le mariage, lorsqu'il n'y a pas d'égalité, hein, dans la noblesse, que c'est quand même valable en islam. Et l'exemple que je vous ai mentionné tout à l'heure par rapport à Bilal ibn Abi Rabah, Bilal ibn Rabah, c'est la même chose. Et il y a d'autres aussi qui ont mentionné, que les ulama ont mentionné comme ça. Il dit ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط. فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح. لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. Donc le cheikh il dit, donc on a dit que al-kafa'a, l'égalité entre les deux époux, c'est pas une condition pour la validité du mariage. Toutefois, c'est une condition pour que le mariage puisse continuer seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple une femme avait été mariée avec un homme qui n'était pas son équivalent, ou son égal, et qu'elle-même n'était pas satisfaite de ça, ou que ses tuteurs, ou ses responsables, parmi les hommes de sa famille, eux-mêmes aussi ne sont pas d'accord avec ça, alors ils auraient le droit de demander au juge de faire annuler ce mariage-là, par la suite, hein. Parce que c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une fille avait été donnée en mariage à un de ses cousins pour essayer d'élever son statut en épousant cette fille-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la fille le choix de rester ou d'annuler le mariage. Et il dit « وَبَعْضُ الْعُلَمَا يَرَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ شَرْطٌ لِسِحَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ ». Il dit qu'il y a certains des ulama qui considèrent que l'égalité entre les époux est une condition pour la validité du mariage, et c'est une des opinions de l'imam Ahmad. Il dit وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ أَحْمَدٍ أَنَّ الرَّجُلُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ من غير كفء ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره انتهى كلامه. Donc, il cite la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui mentionne justement l'explication par rapport à cette position, une des positions par rapport à l'imam Ahmad à ce sujet-là. Et que, yani, si par exemple, la femme ou bien un des awliya n'était pas satisfait, par exemple, que la fille ait épousé quelqu'un qui n'est pas son égal, qu'il aurait le droit dans ce cas-là de demander à ce que le mariage soit annulé, hein? C'est ça. Et donc ils disent que al-kafa'a ليست بمنزلة الأمور المالية مثل المهر. Il dit c'est pas considéré comme le mahar, par exemple le mahar, يعني la femme, il dit si la femme ou bien les awliya le demandent, sinon ils peuvent ne pas l'exiger ou bien يعني diminuer ou demander quelque chose de moins. Tandis que l'al-kafa'a c'est quelque chose qui est, tu dois en tenir compte, tu dois en tenir compte, tu dois le considérer. Donc ça c'est une opinion parmi les positions des ulama. Et parmi les madhahib, l'imam Malik, lui, il considère pas yani al-kafa'a, d'après ce que je me souviens de ce que les ulama ont dit par rapport à ça. Ils ne tiennent pas compte de ça, tandis que chez l'imam Ahmed, il a une de ses opinions. Parfois, il a plusieurs opinions sur un sujet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs opinions qui ont été rapportées de lui à propos d'une question. D'accord ? Donc ça, c'est pourquoi ? Parce que parfois, par exemple, un savant quelconque, par exemple, il a émis une fatwa sur un sujet par rapport à la connaissance qu'il avait et au hadith qu'il connaissait sur ce sujet-là. Plus tard, il a trouvé un hadith ou il a entendu un hadith autre qui est authentique, qui vient par exemple rajouter un point ou clarifier un point pour lui. Donc il change sa fatwa et il prend une opinion différente. Et des fois, c'est pour ça que tu vas trouver que le même imam, pendant sa vie, il a peut-être eu deux ou trois opinions différentes sur le même sujet. Hein? C'est pour ça que des fois tu vas dire, par exemple, tu vas lire un livre et ils vont dire, ça c'est une des deux narrations à propos de l'imam Ahmad. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmad, dans cette question-là, il a eu plusieurs opinions et ça c'était la première et l'autre c'est la deuxième. L'imam Shafi'i, c'est connu de lui qu'il a eu deux madhhab pendant sa vie. Al-madhhab al-qadim ou al-madhhab al-jadid, l'ancien et le nouveau. Pourquoi? Parce que quand il était en Irak, il avait un madhhab, et quand il était parti en Égypte, il a eu des nouvelles opinions ou des différentes opinions qu'il avait là-bas. Pourquoi? Hein? C'est pas parce qu'il s'est réveillé le matin, il a dit je change d'opinion. Non, c'est par rapport à la connaissance qu'il a eue et des choses qu'il avait apprises peut-être et des hadiths qu'il n'avait pas entendus avant ou des positions qu'il a comprises d'une autre façon. Et qu'auparavant, ils n'avaient pas ces connaissances-là ou ils n'avaient pas cette compréhension-là au début. D'accord ? Et si c'est le cas d'un savant, d'un même savant peut avoir plusieurs opinions, alors que dire des différences entre les différents madhhab, hein, ça peut être parfois des différences très grandes. Mais l'important dans tout ça, c'est de revenir au dalil, c'est de revenir à la preuve. Et quand on regarde les preuves par rapport à cette question de Al-Kafa'a, eh bien, on constate, comme on l'a expliqué, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a donné toujours la priorité à la noblesse de comportement et de caractère et à la religion, au-dessus de toute autre yani, préoccupation ou au-dessus de tout autre intérêt. Mais en même temps, il faut comprendre que ces réalités de la vie, il ne faut pas les négliger parce qu'elles peuvent avoir un impact sur la vie dans le mariage entre les deux époux. Et que si quelqu'un épouse une femme de son même statut, de son même niveau social, de son même niveau économique, c'est plus propice à faire en sorte que le mariage va mieux fonctionner que lorsqu'il y a trop de différences. Hein? Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Quelqu'un, par exemple, même il dit, oh, moi je vais épouser une femme, elle est d'un autre pays, hein? Peut-être qu'elle vient de, je ne sais pas moi, hein? Bon, peut-être qu'elle vient de Chine, ou bien peut-être qu'elle vient de Hawaï, ou d'un autre pays. Tu dis, moi je vais l'épouser, c'est une bonne musulmane, et je l'aime beaucoup, et elle est pieuse. Donc c'est ça l'important. Puis après, quand vous vivez ensemble, après tu vois qu'elle prépare des plats et toi tu viens d'un autre pays et puis tu ne peux pas supporter la nourriture qu'elle te prépare et qu'à chaque repas tu te forces à manger, elle te sert de la nourriture, puis toi tu manges et tu dis oui c'est très bon, hein? Mais tu supportes pas sa nourriture, mais tu es obligé de le manger parce que tu veux pas lui faire de la peine, hein? Tu veux pas qu'elle soit triste. Mais ça peut causer des problèmes dans le mariage, hein? Il faut que tu lui apprennes, oui c'est ça, il faudrait que tu lui apprennes à cuisiner les plats de ton pays. Peut-être qu'à ce moment-là ça pourrait régler les choses, mais apprendre à cuisiner d'une autre culture, c'est pas toujours facile, et il faut que la personne soit prête à apprendre. Donc ça là c'est des choses, peut-être quelqu'un il va pas prendre ça au sérieux, ou bien il va pas dire ah ça c'est pas grave, c'est un détail. Mais pour certaines personnes c'est très important, tu vois. Il y a des gens, même en tout cas ça c'est des histoires, les gens ils racontent, mais il y a des gens, des fois ils ont divorcé leur femme juste parce qu'il y avait trop de sel dans la nourriture, hein? Donc si c'était juste une question de trop de sel, imaginez lorsque c'est une autre culture différente, complètement différente, hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer que la viande soit sucrée, ça ne peut pas aller ensemble, un plat où de la viande sucrée. Alors tu sers ça à ton mari, de la viande sucrée, ça y est, c'est le divorce automatique, hein? Non, ce n'est pas permis de divorcer pour des futilités pareilles, sauf qu'il y a des gens, malheureusement, ils font ça, hein? Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut être prêt à des réalités comme ça. D'accord, il faut vous préparer, et avant le mariage, c'est des choses sur lesquelles il faut discuter. D'accord? Si vous en discutez auparavant, comme ça, lorsque vous êtes dans le mariage, il n'y aura pas trop de problèmes, Inch'Allah, parce que vous en avez parlé. Tu voulais dire quelque chose? Oui, bien entendu. Et aussi, en même temps, il faut comprendre que ces ulama, à leur époque, il n'y avait pas encore Sahih al-Bukhari, il n'y avait pas encore Sahih Muslim, hein? C'est venu après, hein? L'imam Ahmad, même à l'époque de l'imam Ahmad, il n'y avait pas encore Sahih al-Bukhari, il n'y avait pas encore Sahih Muslim. C'est pour vous dire que ces savants-là, eux-mêmes, ils devaient eux-mêmes connaître le degré des hadiths et leur authenticité, hein? Ils étaient autant aptes à le faire que al-Bukhari et Muslim, d'accord? Sauf que pour eux, ce n'était pas nécessaire de faire Al-Bukhari, d'avoir un sahih pour eux, parce qu'ils connaissaient le sahih et qu'est-ce qui est daif. Et ils distinguaient clairement qu'est-ce qui est sahih et qu'est-ce qui est daif. Ils connaissaient les hadiths et leur chaîne de transmission et les narrateurs. Donc, pour eux, c'était facile, hein? C'était des maîtres dans le hadith. Oui, l'imam Ahmad, c'est connu. Dans sa musnad, il y a combien de hadiths? Donc, tout ça pour dire que c'était des savants de fiqh et des savants de hadith aussi. C'était des imams dans la religion. Mais malgré tout, chacun, il donnait des fatwas selon leur niveau de connaissance et de compréhension. À certains, Allah a donné plus de compréhension que d'autres. À certains, Allah a donné plus de connaissance que d'autres. Hein? Certains, dans certaines régions, par exemple, comme on dit que l'imam Abu Hanifa, par exemple, dans sa région, à cette époque-là, il y avait beaucoup de faux hadiths qui étaient fabriqués. C'est dans sa région, qu'en Irak, que se sont propagés beaucoup des bid'as, des shi'as. Et eux, ils inventaient beaucoup de hadiths. Alors, à cause de ça, ils étaient extrêmement stricts dans les hadiths. Donc, il y avait peu de hadiths auxquels ils se référaient. Ils se basaient beaucoup sur le qiyas et l'analogie, hein? Donc, à cause de ça, il se référait de façon parfois même exagérée au qiyas. Et c'est pour ça que les ulama les ont appelés ahlul ra'i, les gens de l'opinion, hein, par opposition à ahlul hadith, ceux qui se référaient plus au hadith, hein. Et donc pour dire que, comme je vous ai dit, l'imam Shafi'i, il a changé son madhhab quand il était à tel endroit, quand il est allé à l'autre endroit, il a changé complètement. Dans les positions de l'imam Ahmed, tu vas trouver, par exemple, ils vont dire hadhihi riwaya an l'imam Ahmed. Il y a deux riwayas par rapport à ce sujet-là. Une qui l'a dit ça, l'autre qui l'a dit ça. Comme par exemple, les gens disent l'imam Ahmed, il dit que celui qui délaisse la prière, hein, par paresse, hein, que c'est un kafir, hein, qu'il fait le takfir de celui qui délaisse la prière par paresse. Ça, c'est une des deux narrations de l'imam Ahmad. Il y a une autre narration dans laquelle il ne déclare pas kafir. Donc, c'est pour cette raison-là que la divergence n'est pas une preuve. Et les ulama n'ont jamais considéré que parce que y a une divergence, que ça veut dire que c'est une preuve. Hein. Dans le même madhab, il y a divergence entre les ulama d'un même madhab. Et même parfois, l'imam auquel le madhab est attribué, lui-même, il a eu dans sa vie plusieurs opinions sur un même sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'important, c'est de toujours ramener les choses au dalil et d'essayer de connaître le dalil pour essayer de le suivre. Hein? Et donc, c'est ça le plus important. Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici, donc, pour aujourd'hui. C'est le cours d'aujourd'hui, c'était sur Al-Kafa'a, dans le mariage. Ça, c'est un des chapitres, parmi les chapitres qu'on retrouve dans la plupart des livres de fiqh sur le mariage. Vous, maintenant, vous êtes au courant que ce chapitre existe. Donc, si on vous parle de ça, vous n'allez pas être surpris ou étonné. Ah, comment ça? Hein? Non, ça existe. Et on va parler au prochain cours, Inch'Allah, de Al-Muharramat ou Fin-Nikah, c'est-à-dire les relations de mariage qui sont interdites. Et on va voir les catégories et tous les détails sur les règles qui sont à propos de ça. On s'arrête donc aujourd'hui à ce point-là. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.